Nous appartenons à la montagne ou la montagne nous appartient. Moi, je suis Horace. J'ai 9 ans. Nous sommes partis avec Karova, maman Karova. La vache et mon ami le vacher m'accompagne. Parce que pour moi, la vie au Baru, elle était plus possible. La vieille avait décidé d'aller me perdre en forêt ou je ne sais. En tout cas, elle voulait se débarrasser de moi. Eh ben, c'est moi qui me débarrasse d'elle. D'abord. Alors, on a pris mon biclot, j'ai mon biface, mon bon couteau, et on est parti avec la Karova. Comme ça, on a toujours à boire. Le matin venu, je peux la traire. Et le vacher est là avec moi. Oh, c'est un brave gars, mais il y a toujours des questions saugrenues. Toujours. Et comme beaucoup, hein, par chez nous, il oublie. Il oublie tout. Il a même oublié le nom de maman Karova ce matin. Mais il l'oublie tout le temps, hein, il ne peut pas s'en souvenir. Pourtant, c'est simple, c'est maman Karova. Karova. Mais j'ai trouvé dans un livre, un vieux livre. Mais pas moisi comme les vieux des Barus. Hein. Eux, ils sont vraiment moisis. Mais moi, je sais où je vais. Et j'y vais avec maman Karova et mon ami le vacher. Je suis le vacher. On dit de moi que je suis tête en l'air, mais je pense que ce n'est pas quelque chose de... Mon ami, aurais-tu déjà oublié la phrase que tu voulais dire? Exact. On dit de moi que je suis tête en l'air, mais que nenni, je suis curieux, toujours à la soif du précieux savoir. Je parcours ma route avec... Je parcours la montagne avec Julie, ma vache, et Horace, le gamin, qu'entend des voix. Je suis toujours avec mon bâton en bois de cornouille à la main, le petit homme robuste que je suis. On dit de moi, dans les communautés dans lesquelles je viens et je repars, que je suis parfois altruiste, parfois brusque. Et puis on dit aussi que je suis un drôle de vacher, un drôle de pêcheur. Moi et Horace, on va souvent à la Shtoy aux 1000 vaches. Là, je peux faire halte et parfois vendre 2-3 de nos trouvailles. Puis on repart, une fois qu'on a passé la nuit. Mais toujours en chemine. Lui, Horace, sur son bicycle. Et moi à pied aux côtés de Julie. Plus souvent à côté de mon bicycle, hein, parce que sur les sentes forestières, dans les pentes, c'est pas pratique. Et quelle idée d'avoir un bicycle en montagne! Bah, le bicycle fait son homme, mon ami. Quel homme je suis? Un homme qui n'a encore que 9 printemps. Mais qui en sait déjà tant. Hein, on peut pas en dire autant que toi, mon ami. Ah si, je sais plus de choses que toi. Sans conteste, sans conteste. Nous allons pas y ergoter avec ça. Ma foi, nous avons du chemin à parcourir. Horace est très jeune, chétif, malingre. Il a un teint pâle. On ne sait pas si ce sont des taches de rousseur ou des petits boutons qu'il constelle, mais il en a toujours. On a l'impression que le moindre vent pourrait l'emporter. Et il donne une impression d'extrême fragilité. Mais en même temps, il est enjoué et parfois songeur. Il a une chevelure abondante et bouclée. Un blond éteint et par endroits il a quelques mèches blanches surprenantes. C'était la communauté des hommes parce qu'il s'en sentait exclu. Au premier chef en raison de sa mère, la vieille, comme il l'appelle. Et on peut guère compter sur son compagnon de voyage, le vacher, qui oublie tout. Et en premier lieu les noms, pour lui remémorer le véritable nom de sa maman. Elle voulait aller le perdre en forêt et il s'est réfugié dans la Shtoy avec son ami vacher. Et ensemble, ils ont choisi de quitter les Barus pour s'aventurer au-delà. Un périple probablement sans retour, car en ce printemps, les pollens se répandent déjà sur les prairies de hauteur, et à mesure que les pentes fleurissent, s'éteignent les souvenirs des hommes. Horace n'en a cure, il veut gravir la montagne, aller loin de tout cela et échapper à quelque chose qu'il taraude, mais dont il ne parle pas. Quand on lui pose trop de questions, il s'affaire sur son biclos, bricole avec sa lame, resserre quelques boulons, plisse le front de manière exagérée et souvent cela suffit à réparer la panne, l'avarie réelle ou imaginaire. Péril est déjà bien entamé. Nous avons marché longuement. Nous sommes interrompus dans notre errance pour rejoindre un abri. Maman Karova a besoin de cela la nuit. Du moins, est-ce Horace. Nous avons marché, mais au rythme indolent de la vache, la laissant paître paisiblement, ruminer quelque temps pendant que nous baguenaudions en dehors du chemin. Nous avons donc marché, gravi la pente vers les massifs qui dominent le rue depuis les hauteurs qu'enneige les mois de cendre. Troisième jour de notre errance, une part de l'insouciance s'est levée, nous a désertés. Marcher ainsi hors des voies qui lient les communautés, même au rythme de Maman Karova, est éprouvant pour le jeune Horace, et son biclos vite pesant sur les sentes caillouteuses. Troisième jour, néanmoins, nous avons marché à nouveau, notre entrain seulement émoussé. Horace a placé un peu d'herbe dans ses sabots pour y mieux caler ses pieds, éviter qu'il le fasse par trop souffrir sur les chaos de sa route. Le soleil à zénith tape haut et fort sur les herbages. Depuis presque aube, les deux compagnons n'ont croisé aucun goutte et brave Horace a beau se creuser la tête, il ne se souvient plus. Lui, d'ordinaire, a toujours le mot juste, qui sait toujours où trouver, toujours où chercher, ne se souvient plus, et c'est dans la vague direction de la forêt, de la grande forêt qui ronge le massif, qui porte ses pas avec l'espoir ténu de croiser quelques ruisseaux qui goûteraient depuis les hauteurs, car c'est ainsi qu'on appelle la noire forêt des gouttes. Mon brave, pourrais-tu tenir mon vélo? Mon biclos est un peu lourd. Bien sûr. Prends bien garde, hein. Faut pas voiler la roue, hein. Il s'agirait pas de voiler la roue, hein. Mais je n'ai pas de voile, que... Pourquoi voudrais-tu que je voile une roue? Sur les cailloux. Si tu vas trop fort, la roue se voilera. Elle sera faussée. Il faudra que je la redresse. Il faudra nous arrêter. Eh bien, nous nous arrêterons. Évite de voiler la roue, tout de même. Et musarde, certes, mais regarde... où nous pourrions étancher notre soif et celle de Maman Karova. Comment l'appelles-tu déjà ? Julie. Julie. Julie. Quel nom pour une vache. Avance, ma belle. Allez, Maman Karova. Maman Karova. Quel nom pour une vache. Ah, c'est le nom que je lui ai donné. Et pourquoi donc ? Ah, parce que c'est la maman. C'est elle qui me donne le lait. Et pourquoi Karova ? Je te l'ai déjà dit. C'est écrit dans les livres. Et eux, contrairement aux vieux, ils sont pas moisis. Il faudra que tu me montes tes livres un jour. Je les ai laissés. Pourquoi ne les as-tu pris dans le cajot de ton cyclo, ton biclos, comme tu dis? Ça aurait alourdi inutilement notre biclos et nous avons de la route à parcourir avant de trouver... Notre biclos? Mon biclos. Pourquoi notre? Parce que tu le portes maintenant. Tu le pousses, n'est-ce pas? Et prends garde là, aux cailloux. Méfie-toi, préserve. Les cailloux sont traîtres, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils sont traîtres. Alors méfie-toi, prends garde aux cailloux. Ils pourraient voiler ma roue. Les cailloux sont nos ennemis. Bien, chef. Oui, chef. C'est cela. Fanfaronne. Mais que je n'ai pas redressé la roue, hein. Sinon quoi? Il t'en cuira. Ah bon? Que vas-tu me faire? À ton avis. Tu vas juste m'embêter plus que d'habitude? Peut-être un petit cran dessus. Méfie-toi, méfie-toi. Hein, dis-le. Dis ce que tu vas faire. On ne sait pas. Ah si. Toi, tu sais. Oui. Alors dis. Si fait, non. Pourquoi non? Pour te garder la surprise, mon ami. Je n'aime pas les surprises, tu le sais bien. Ah, creuse-toi la cervelle, que pourrais-je bien faire? Hein? Tu es maman Carova? Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée tu as là. Peut-être serait-ce là ta vengeance? Je m'aperçois dans les hautes herbes une silhouette qui se profile derrière Horace. Deux oreilles pointues qui émergent des herbes. Pointues comme ça à peu près. Deux oreilles pointues ou rousses qui émergent des hautes herbes. Mon ami. Oh non, le goupil. Oui. Penses-tu qu'il soit sage de tenter l'erreur là? Non. Penses-tu qu'il soit sage, même pour plaisanter, d'évoquer la mort de maman Carova? Non. Que feras-tu lorsqu'elle sera morte? Comment consoleras-tu le jeune Horace? Je ne sais pas. Comment effacer un souhait malencontreux, mon ami? L'oubli. Est-ce que ton oubli se communique au Orla qui écoute le vent qui bruisse dans les feuilles? Sûrement. En est-il si sûr, mon ami? Oui. Les oreilles tendues disparaissent tout à coup et tu vois une silhouette fauve s'éloigner parmi les herbes. Mon ami, l'impile. Tu ne m'écoutes plus, mon ami. Mon biclot, souviens-toi, mon biclot. Occupe-toi de mon biclot. Je m'en souviens. Très bien. Alors, allons. Tout comme je me souviens d'une... Hé hey, maman Carova, attends-nous. Arrête de l'appeler comme ça. C'est Julie. Oui. Madame Julie, veuillez nous attendre, je vous prie. Ah, la formule est belle. Je te remercie, mon ami. Allons, rejoignons Julie et... Avant que ne tombe la pluie. Et avant que ne tombe la pluie. Avant que ne tombe la pluie. Et tu as dit « et » entre deux. Eh oui, parce qu'il faudrait bien que nous soyons à l'abri lorsque... tombera la pluie. Comme tu l'as dit, mon ami. Alors, allons-y. J'aime bien finir toutes tes phrases par « i », par le son « i ». Non. Mm-hmm. Non. N'est-ce pas ce que tu fais? Non. Non, pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Bon, cesse de rire et tracte mon biclot. Moi, j'en ai ma claque. Ta claque? Comment t'as une claque? J'en ai assez. Faut-il donc tout expliquer, mon ami? Pourquoi tu m'appelles mon ami? Parce que je crains que ne tombe la pluie. Lorsqu'enfin tu auras compris. Mais j'ai compris. Alors avance en préservant mon biclot. Ton biclot? Mon biclot. T'avais pas dit notre biclot tout à l'heure? Ah, c'est désormais le mien. Pourquoi donc? Parce que c'est moi qui l'ai assemblé. C'est moi qui l'ai entretenu. C'est moi qui l'ai bichonné. Et puis, essaye de monter dessus. Je suis trop grand. Vas-y. Je me hisse donc sur le biclot. Compte tenu de ta petite taille, cela va encore, mais... Exercice et... Alors les cailloux sont traîtres, mais ton biclot l'est encore plus. Plus, c'est ça. Donc, plus tu ne monteras sur mon biclot parce que je veux que mon biclot arrive en haut. D'accord? Tu n'es pas obligé de me prendre pour un idiot. C'est vrai. Il s'éloigne, gravit la pente On marche un moment. Le soleil... décline. Oh, non. Mais le soleil est vraiment haut dans le ciel et sans les agrès du vent qui vient souffler pour rafraîchir, là, sur les hauteurs dégagées, loin de la forêt, la chaleur est assommante. En haut de la pente, alors que vous apercevez la lisière à quelques encablures seulement et quelques cailloux de distance, Horace s'effondre à plat dos sur le sol. Ah, ça ferait du bien de rester là. Il y a des herbes. Eh bien, dans ce cas-là, ton biclo, il va goûter à la, aux paroles traîtresses des cailloux. Ça te dit? Tu menaces d'abîmer mon biclo? Oui. Et pourquoi ça? Parce que tu veux t'arrêter. On monte. Non, si. Il faut se reposer. Nous ne sommes pas à l'abri. Oui, mais toi, tu es plus robuste que moi. Moi, je suis fatigué, je dois me reposer. Bien, dans ce cas-là, monte sur ton biclo. Et tu me pousseras, alors? Oui. Mais que feras-tu pour mon mal de crâne? Ah, ça, je ne sais pas. J'ai soif. J'ai les lèvres toutes gercées. Eh bien, il te suffit de voir... La tête me tourne. Il te suffit de traire... Déplace-toi un peu, cache-moi le soleil. Je ne suis pas un paravent. Oui, mais le soleil... est aussi traître que... Ah, là, c'est bien, bouge plus. Ah, je t'ai dit de ne plus bouger, tu gigotes, là. Tu dois être... un épouvantail. Je ne saurais pas. Je veux que tu sois un épouvantail. Tu n'es pas un sorcier. Je veux que tu sois un épouvantail. Non. Si. Non. Si. Non. Je fais trois pas de côté. Alors, ton épouvantail est efficace, n'est-ce pas? Mon épouvantail est aussi peu docile qu'il est possible de l'être. Moi, je veux me reposer. Eh bien, tu te reposeras, mais dans ce cas-là, plus de Julie, plus de vélo, plus de moi. Tout seul. Ouais, bah c'est ça. Eh bien, je le montre. Au revoir, hein. Et je continue ma route. Horace reste allongé dans le pré. Tu vois les herbes couchées, tu t'es éloigné, tu as parcouru rapidement les 200 pas qui te séparaient de la lisière. En revanche, Julie... meugle et n'a pas l'air décidé à pénétrer sous le couvert des bois. Non, je reste là, attends, parce que c'était plus pour la blague que je montais. Il faisait peur à... Non, ça n'a pas l'air de l'avoir effrayé le moins du monde. Il reste allongé et le temps s'écoule. Le soleil poursuit... sa course dans le ciel. Il est vraiment à son zénith maintenant. Il fait une chaleur assez accablante. Tu goûtes l'ombrage des arbres. S'il n'y avait pas tous ces moucherons, et maintenant les moustiques qui s'en mêlent et qui viennent téter ta sueur et prendre un peu de ton sang, tout irait pour le mieux. Tendant l'oreille, tu perçois... non loin un bruit d'écoulement d'eau. Julie s'est éloignée et alors que tu avais enfin trouvé un endroit où les insectes ne te poursuivaient plus, tu la vois qui s'est éloignée loin de toi. à tel point qu'elle est rentrée, semble-t-il, sous l'ombrage de quelques arbres, et elle est en train de paître loin. C'est sa silhouette que tu distingues. La rejoins-tu? Oui. Elle a trouvé d'elle-même l'un de ces petits ruisseaux intermittents qui s'écoulent des hauteurs et qui ont donné le nom à cette grande forêt qui s'est installée sur le massif. Elle est en train d'étancher sa soif. Il reste guère plus que de la boue à cet endroit. Et l'eau qui s'écoule, elle remonte et se repaît paisiblement des masses d'herbes qui sont accumulées autour de l'échancreur qui laisse goûter la goutte. Goutte. Elle n'a rien laissé pour toi. Et tu sens, bien que depuis quelque temps tu sois à l'ombre, tu sens que la soif te taraude et tu songes à vos provisions qui se réduisent à la plus simple expression. Vous n'avez plus rien. Il va falloir songer à glaner quelques fruits. Je regarde un peu les arbres, voyons, regardant s'il y a des fruits, et puis je jette un regard dans le lointain. Non loin du cours, du petit rue. En remontant celui-ci, tu aperçois un massif. Il y a quelques framboises qui sont arrivées à maturité. Mais les framboises, ça se déplace pas. Enfin, tu peux, ça devient de la bouillie quand tu le déplaces trop. Si tu les, ça se garde pas, oui. Mais en tout cas, tu pourras en manger. Ça te fera déjà du. J'en mange 2-3 et puis j'essaye de récupérer quelques-uns pour. Le framboisier est bas, il a donné énormément de feuilles, mais les fruits ont poussé vers la lisière essentiellement. Ceux qui sont en partie exposés au soleil dans la journée, et ils sont plutôt bas sur l'arbre. Tu les cueilles et manges. Je mange que 2-3, le reste je le garde. Tu les gardes, tu les mets dans ton escarcelle, ta petite besace, ton aumônière. J'ai pas de sous, j'ai des framboises. Je vais vous payer en framboises, messieurs. Tu cueilles quelques framboises. À cet endroit, il y a une petite mare. Est-ce que tu cèdes à la tentation et te désaltères? Non. Je ne suis pas sûr que l'eau soit bonne. Donc on est, j'imagine, là. Vous êtes remonté, vous êtes par ici. C'est là, le ruisseau. Par là. Je jette un regard vers là où le chevaucheur de Biclo s'est assoupi. Est-il encore là ou... Bah, y a un endroit où les arbres sont couchés, tu distingues... De l'endroit où tu es, un petit point gris perdu au milieu des herbes et des fleurs. Le temps a passé, un bon quart s'est écoulé. À ce que tu prennes le frais sous l'ombrage. Je regarde s'il n'y a pas une pomme de pin qui pourrait nous annoncer le temps... Faire une provision de pommes de pin comme ça, chaque soir, j'en laisse une. Comme ça, ça prévoit le temps à venir. Le mettre dans l'aumônière avec les framboises. Bah, il n'y a pas de pin alentour. Ce ne sont pas les arbres qui poussent à cet endroit. Okay. Donc on ne pourra pas faire les apprentis météorologues. Non. Il y en a plus haut dans le massif, mais pas cette strate. Cette strate-là, il y a d'autres essences des feuillus. Il y a encore des feuillus. Est-ce qu'il y a des... Enfin, Mais les c'est pas la saison des... Ce n'est pas la saison de la cornouille. La cornouille, c'est au cœur de cendre qu'on la récolte. C'est un fruit d'hiver. Je prends, non pas les fruits, mais des feuilles que je mets aussi dans la bourse des feuilles suffisamment agréables au toucher, qui ont une odeur certaine, que je mets dans ma bourse. Je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Un petit bilan de cette petite approche de notre campagne de arbre. Tu trouves mon personnage rigolo? Oui. Il me fait furieusement penser à un mélange de nous trois, de moi, Mathieu, Xavier, plus un peu de la tignasse. On reste dans Millevaux. Ce qu'on fait ou ce qu'on dit a des conséquences. Donc, moi, je l'ai joué pleinement. On est toujours entre l'oubli, l'abandon. Là, il s'est mis en danger. En restant tout seul? Oui, et toi aussi. J'avais Karova avec moi. Oui, toi, t'étais accompagné de l'animal, mais tu l'as laissé exposé au soleil. Je l'ai quand même surveillé. On verra ce qu'il en ressortira. C'est une première approche, mais je veux quelque chose. Enfin, ce que je souhaite, c'est qu'on reste sur un côté un peu bucolique. Comme ça, je trouve ça sympathique. Ce qui n'empêche pas qu'on ait, je l'évoquais quand même, à mot couvert, les pollens qui envahissent et qui envahissent les prés, et alors les gens perdent la mémoire. On reste dans du Millevaux, mais du Millevaux qui va être très rural, très ancré dans la ruralité. D'accord. En revanche, là, j'imagine que les points noirs, c'est les vignes. Des vignes? Les petites vignes? Ah bon? Ou c'est... Je sais pas, t'as pas la légende. C'est dommage, hein. Mais ça me fait penser à des... Ça me fait penser à l'Alsace-Lorraine, un truc dans... Alors ça, on verra à mesure que nous progresserons dans le massif montagnard. Est-ce que le fait que je scie entre le personnage que j'ai créé et un rôle de garde forestière classique te dérange? Pas tellement, si ce n'est qu'il y a des moments, j'ai l'impression que... Enfin, après, c'est juste une petite impression que ton personnage, c'est plus un figurant qu'un personnage sur certains points. Par exemple, le fait que quand je dis bah moi je m'en vais et que lui il dit ok, c'est pour moi c'est pas le réflexe. Bon, après, ça peut être aussi un réflexe d'un joueur, mais par rapport au joueur avec qui j'ai joué, souvent oui, c'est. Mais c'est plus. Là, j'ai joué. Oui, t'as joué véritablement le perso. Tu l'as joué. J'ai joué mon rôle de joueuse pour le coup. Oui. L'intérêt de la garde forestière serait... Alors, c'est certes de ménager... pour l'instant, il n'y a eu aucune adversité réelle. Sauf que là, l'intérêt bien senti de la garde forestière, ça reste de montrer les fragilités des personnages. Donc oui, la garde forestière aurait pu souhaiter que le figurant s'éloigne. Mais dans le même temps, le personnage, je l'ai imaginé avec un tempérament, il a un tempérament bien trempé, et en même temps il t'a dit des choses qui sont peut-être des vérités, il t'a dit qu'il était fatigué. J'ai insisté sur le fait que ça demeurait un gamin, qu'il était tout frêle, tout chétif, qu'on avait l'impression que le vent pourrait l'emporter. Donc, mais que nenni. Mais peut-être qu'il est, il était vraiment au bout de ses forces, qu'il s'est allongé et qu'il se trouvait bien là. Qu'il était pleinement dans l'abandon et que j'ai joué vraiment le personnage. Après, là où j'ai pas joué peut-être la garde forestière, ça aurait été de te titiller en tant que goupil. Oui, j'ai pas utilisé le goupil et non. Je m'en... Mais là, moi, j'aurais dû te titiller en te parlant du point de vue du personnage sur ce qu'il traversait, ce que je n'ai pas fait. Et j'aurais dû le faire. Parce que là, de mon point de vue, c'était vraiment le jeu du personnage, pas le jeu de la garde forestière. Mais ce que tu m'as dit, je vais le retenir pour la suite. En essayant de bien séparer le rôle que je prends de garde forestière, ou lorsque je joue sur ce, on s'interrompt là. On a joué petite demi-heure. Mais il y a eu la création de personnage, il y a eu des apartés. Donc c'est une toute petite partie, c'est une intro, oui, une mise en jambe, mais on a quand même étreigné, éprouvé un peu nos personnages, voir leurs dimensions. On a commencé à explorer les décors. On va pouvoir aller un peu plus loin demain, ça te va?